contrat, faute lourde et clause limitative de responsabilité. Les parties à un contrat peuvent convenir dans une clause dite limitative de responsabilité des bases d'évaluation du dommage et du montant de la réparation de celui-ci. Les tribunaux neutralisent toutefois cette clause en cas de faute lourde, comme dans la situation suivante. Une société a acheté à un fournisseur de matériel une nouvelle chaudière pour son usine. La réception, prévue fin juillet, était intervenue le 8 septembre suivant et la mise en route le 30 septembre après réparation de défaut. La société qui avait loué une chaudière de remplacement en attendant la livraison avait demandé au vendeur des dommages-intérêts. Elle considérait qu'il avait commis une faute lourde, le privant du bénéfice de la clause limitative de responsabilité figurant dans l'acte de vente. De son côté, le vendeur soutenait que la société, avertie du retard de livraison dès le mois de juillet, avait pris une initiative intempestive en démontant son ancienne chaudière, qui fonctionnait, pour en louer une autre, et qu'elle était donc responsable des dommages qu'elle invoquait. La Cour de cassation a donné raison à la société cliente. Elle était fondée à démonter la chaudière car il résultait d'une lettre recommandée, dont le vendeur n'avait pas contesté la teneur, que la chaudière devait être livrée avant la fermeture estivale de l'usine. Ce délai revêtait pour la société un caractère essentiel connu du vendeur. Le comportement du vendeur constituait une faute lourde, le privant du bénéfice de la clause limitative de responsabilité. Il avait négligé avec désinvolture, de manière flagrante et répétée, ses obligations pendant plusieurs mois, en ne livrant pas le matériel dans les délais convenus et en fournissant un matériel présentant des défauts de conformité constitutifs de risques pour la sécurité.